passion. Je lâche peu à peu le monde. Pourquoi m'y étendre? Les manques me guident, mais au fond de moi, je sais non qu'il ne faut pas. Le besoin est bien trop grand, je serre les dents. Toutes ces choses qui sont en moi me parlent. Juste un peu de...